C'est fou dans la tête. C'est fou 89.1, la scène émergente. Vous écoutez maintenant, chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Lundi 5 octobre, je m'appelle Sophie Laforêt et je serai avec vous jusqu'à 19h pour une émission qui sera spéciale aujourd'hui car, sans plus tarder, j'annonce la présence de la formation Vanesse Pariétaire qui est en studio avec moi. Mais avant de les laisser parler aujourd'hui, on va tout de suite, sans plus tarder, se lancer avec une de leurs nouveautés d'un futur EP à paraître l'année prochaine. On en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Donc, la pièce qu'on va entendre s'intitule « Canicule et ours polaires » sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Aujourd'hui On vient d'entendre la pièce « Canicule et ours polaires » de la formation Vanesse Pariétaire, d'un futur EP à paraître en début d'année prochaine. Donc, ils sont avec moi en studio. Alors, bonjour Alexandra. Bonjour. Et bonjour Pierre-Philippe. Salut, salut. Encore une fois, merci d'être à l'émission, car je vais dire aux auditeurs que vous rôdez près du studio depuis maintenant plus de 3 heures. Oui, effectivement. On est allé souper, fait qu'on a sorti un peu du campus. Là, mais... okay. On commence à s'habituer à la pièce. Oui. On aime ça. Au studio. Donc, c'est ça, ils étaient à Assemblage requis avec mes collègues Mathieu et Kiwan pour une entrevue et prestation. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance d'entendre, ce sera assurément en balado-diffusion dès demain sur cfou.ca. Donc, vous aurez la chance d'entendre ces pièces revisitées acoustiques. Et de mon côté, j'ai vraiment apprécié ces transformations. Et donc, sans plus tarder, on pourrait peut-être faire une introduction à savoir qu'est-ce que Vanesse Pariétaire, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Et peut-être une première question pour Alexandra. Ben, en fait, je ne veux pas déterminer. Là. Je sais qu'Alexandra m'a dit qu'elle aimait beaucoup parler à la radio, alors c'est pour ça que je la ciblais. C'est totalement faux, c'est un mensonge. Mais bon. Ah. Mais ça fait à peu près un an et demi, on calculait ça tantôt, puis c'est ça, on a commencé en mars 2008. Ça fait à peu près un an et demi qu'on est ensemble. C'est ça, dans le fond, nous, on avait des groupes avant. Moi, le bassiste, puis le batteur, on avait un groupe ensemble. Alexandra était dans un autre groupe. Puis avant, on avait un cinquième membre qui était un autre guitariste, qui lui il était dans un autre groupe avant. Puis on s'est rencontrés de même après que, dans le fond, tous les groupes se soient dissous. Puis on a formé on le groupe. On se connaissait déjà, mais pas côté musical. Ça, Alex, c'était la petite fatigante au secondaire. Ça aussi, c'est faux. Pourquoi vous dites plein de mensonges ce soir? On s'est entendu avant d'entrer en onde. Et puis, ben, en fait, pour parler de votre premier album, Vanesse Pariétaire, La mer était vide. Donc, j'ai lu, en fait, sur votre site que vous le décrivez comme étant un album conceptuel narratif. Est-ce qu'on peut expliquer ça pour le bien de nos auditeurs? Ouais, en fait, c'est que ben, ça, c'est un terme prétentieux, j'imagine. Mais en fait, c'est juste parce que c'est un peu comme il y a une trame narrative derrière chaque chanson, puis chaque chanson, dans le fond, est comme un chapitre d'une histoire. Excusez. Puis si vous allez télécharger l'album, en fait, ça vient avec un journal intime sous forme de PDF qui raconte l'histoire. Chaque chanson est identifiée à une entrée du journal intime. Puis c'est ça, ça raconte une histoire qui suit d'un bout à l'autre. Puis nous, dans le fond, c'était un peu... souvent, le monde nous demande pourquoi vous avez décidé de faire ça, mais c'est aussi d'une part parce qu'il y a beaucoup des groupes qu'on écoute qui vont avoir assez d'enrichir leur musique avec d'autres éléments, que ce soit de la littérature ou du cinéma, ou assez de créer un univers en arrière de l'album. Puis dans le fond, c'est ça un peu qu'on veut. On essaie de donner un peu plus que juste de la musique. T'sais. Puis comme ça, quand les gens viennent l'écouter, ben, peuvent vraiment plonger à l'intérieur de l'album. C'est pas un album que tu peux écouter n'importe quelle tune dans n'importe quel ordre, il y a un ordre précis. Puis on espère en tout cas que le monde, quand il l'écoute, il prenne le temps de l'écouter d'un bout à l'autre. Là. Avec justement le livret sous les yeux, qui accompagne. Ouais. Puis pour ceux justement qui n'ont peut-être pas eu la chance d'entendre l'entrevue que vous avez donnée à Assemblage requis, cet album-là, on va le préciser, est offert gratuitement sur votre site Internet, chose plutôt rare. En fait, au moins au Québec, là, je sais qu'il y a certains artistes qui l'ont fait, si on pense à Radiohead, qui ont eu vraiment une couverture médiatique importante par rapport à ce geste-là. Puis, donc, en plus d'offrir votre album gratuitement, je veux dire, il y a le travail, justement, du livret, de la thématique. On entre dans un univers, comme vous le mentionnez. Pourquoi avoir choisi d'offrir ce disque-là gratuitement? Puis, vous avez mentionné aussi que vous êtes ensemble depuis un an et demi. Moi, ce qui me vient en tête, c'est, OK, un groupe qui est ensemble depuis un an et demi, un album de fait, un album produit... sans maison de disques, donc indépendant, un album à faire gratuitement avec un livret en plus, je veux dire, il y a beaucoup, je sais pas, ça me semble énorme. Comment vous êtes venu à bout de cette idée-là, premièrement, de donner l'album gratuitement, puis en temps et en énergie de faire tout ça? Ben, l'album gratuit, dans le fond, au début, on a cherché, ben, on était ouvert à des propositions de contre-disques, on restait ouvert, on cherchait pas activement, on a rencontré des gens de label, puis on était ouvert aux propositions, puis tout. Puis finalement, on s'est rendu compte que l'industrie du disque allait vraiment mal. C'est pas juste quelque chose pour nourrir les journaux, là, c'est vrai. Là. C'est pas parce que tu es sur une maison de disque que tu vas nécessairement faire de l'argent. C'est pas parce que tu as un booker qui te book qu'il va y avoir du monde à tes shows. Puis c'est pas parce que tu fais des albums que tu vas en vendre. T'sais. Fait que ça nous a un peu déplu. Puis tu sais, le fait d'être sur une maison de disque, il y a plein de compromis à faire pour ça. Puis dans le fond, c'était de faire des compromis qu'on n'avait aucune garantie du résultat. Fait que c'était un petit peu peurant. Puis on savait qu'on allait atteindre beaucoup plus de monde en le donnant gratuitement qu'en le vendant, en étant pas connu, puis en partant quelque chose comme ça. C'est ça. Puis c'est sûr que pour tout de suite, on reste ouvert aux propositions. Si on avait une offre là, demain, je ne dis pas qu'on dirait non. Mais en même temps aussi, il y a des avantages de rester indépendant puis de runner le bateau un peu comme on veut. Puis pour ce qui est de l'énergie puis du temps que ça a pris de tout faire ça, ben je sais pas. Je pense qu'on doit être assez débrouillard. On a tous été dans d'autres bandes puis on a travaillé sur d'autres albums avant. Fait qu'on a un petit peu d'expérience de studio. T'sais, tout est fait sur ordinateur de la maison. On se débrouille tout seul, dans le fond. J'imagine que pour bien des groupes, c'est peut-être beaucoup d'énergie. Tu sais, je sais, je parle souvent à des amis qui me disent on va se payer un studio puis tout. Moi, j'ai jamais fait de session de studio. Ça a toujours été on le fait nous-mêmes puis on se démerde. Mais je sais pas. Moi, ça m'a pas paru comme plus d'énergie. Tu sais, me semble que le sentiment que vous avez par rapport à ce projet-là doit être encore plus grand, justement, à savoir que c'est un produit que vous avez fait vous-même de ouais. A à Z ou en fait avec des collaborations. Là, si on pense au livret ou tout ça, ouais. Vous avez des collaborateurs graphistes. C'est sûr que ça nous tient à cœur. Puis en même temps, tu sais, quand le monde apprenne ça, souvent, il y a un... Tu sais, qu'on l'a vraiment tout fait par nous-mêmes. Même le vidéoclip, on l'a fait nous-mêmes, puis tout. Puis le fait qu'on le donne, ça nous donne un certain capital de sympathie par rapport au monde, tu sais. Le monde sont curieux, ils écoutent ça. « Ah, c'est pas si pire, j'aime bien ça. » Ah, puis ils se démerdent tout seul. Ah, ouais, puis... Tu sais. Fait que c'est sûr qu'en bout de ligne, on est gagnant là-dessus, là. Donc, en fait, ça peut même être un plus. Justement, ça peut être même une démarche de mise en marché au sens où, justement, contrairement à vendre l'album puis après s'attendre à ce que les gens viennent vous voir en spectacle, bien là, déjà là, il y a un premier pas de fait. Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est ça qui marche le plus, faire des shows, là, la pub pour les shows puis les shows en tant que tel, c'est ça qui attire le plus de monde, selon moi. Oui, c'est ça. Puis c'est là-dedans que ça devient un peu rentable aussi. Là. Fait que de le donner, c'est une publicité pour le show quand on vient dans telle ville. Oui, c'est une très bonne chose. Puis parlant de date, on va y revenir un peu plus tôt, mais j'imagine qu'on aura droit bientôt ici à Trois-Rivières à une présence de Vanessa Parietta en spectacle. On espère, c'est ça qu'on disait tantôt aussi. On veut, mais il faut qu'on voit avec qui, puis où, puis on sait comment. Il y a des choses à gérer. Puis aussi, tu sais, on se book nous-mêmes. T'sais, on n'a pas de gérant, fait que c'est nous autres qui s'occupent de tout. Puis t'sais, quand on n'est pas dans la ville, qu'on ne connaît pas les bonnes salles, c'est un petit peu compliqué d'y aller à distance, de même à l'aveuglette. Là, mais ça fait un bout qu'on en parle. Puis dans le fond, c'est juste de peut-être trouver un bon groupe d'ici à qui on pourrait partager la scène. Là, Parfait. Donc, on s'en reparle après l'émission, assurément. Je vais collaborer à ce projet. Et en fait, je me demandais aussi, par rapport au fait que vous êtes un nouveau groupe, donc... Quand on arrive comme ça sur la scène locale, la scène québécoise, on fait face notamment à des critiques. Justement, votre album a été diffusé gratuitement via votre site web, le www.vanessaparietta.com. Puis, notamment, j'ai regardé les critiques, puis il y en a une qui m'a semblé un peu plus... Mais en fait, les critiques, c'est ça qui arrive aussi. C'est que selon la personne qui fait la critique, là, les avenues possibles sont diverses. J'en ai lu autant bande à part que la presse, puis ça variait. Puis ma critique personnelle ne cadrait pas non plus dans une ou l'autre de ces deux critiques-là. Mais je me demandais, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, notamment, il y a une critique d'un média qu'on n'est pas obligé de nommer, qui était un peu plus... en fait, ça parlait qu'elle voyait votre album plus comme un collage de vos influences que d'une réelle démarche artistique. Mm-hmm. Comment on réagit à ces critiques-là? Bien, c'est sûr que c'est décevant aussi quand tu as mis tellement de temps, puis tu sais, je veux pas. Tu sais, c'est plate parce que justement, tu sais, on le fait tout nous-mêmes, puis on fait pas d'argent avec ça, tu sais, puis c'est vraiment indépendant. Fait que quand il y a un média qui descend de même, puis que tu sais, dans sa critique à elle, elle donne même pas le goût aux gens d'aller télécharger l'album qui est gratuit, tu sais, ça pique même pas la curiosité de la personne qui lit. C'est sûr, moi, j'ai trouvé ça bien décevant, tu sais. Mais en même temps, on a eu des super bonnes critiques qui ont fait tout l'effet contraire. T'sais, la presse nous a donné vraiment une bonne critique, puis ça a boosté nos téléchargements. On s'est pas arrêté sur une mauvaise critique. On n'a pas broyé du noir pendant 4 mois à cause d'une critique comme ça. Non plus. Mais c'est sûr que c'est décevant. T'sais. Quand ça aurait pu être pour nous une bonne visibilité, ça a juste... Comme vous l'avez dit, justement, bon, les critiques étaient diverses. Donc, la presse qui a mentionné, justement, votre album gratuitement. Puis c'était une des deux raisons qu'ils donnaient pour vous découvrir. Puis je pense aussi de mon côté que on n'a rien à perdre. Je veux dire, si on parle d'aller acheter un album à 20 $ ben peut-être que là, oui, on a 20 $ à perdre, mais quand ça va faire gratuitement, je veux dire, au moins la curiosité peut faire en sorte qu'on va télécharger l'album. Si on n'aime pas, on n'aime pas, mais on n'a rien perdu. Ouais, c'est puis ça. Au contraire, si on aime, on est gagnant, nous autres aussi, de notre côté. Ça. Et donc, on va aller vers une autre de vos pièces du prochain EP à paraître l'an prochain. Et on revient avec quelques autres questions pour la formation Vanesse Pariétaire. Vous êtes à l'émission Chérie mes coutus en compagnie de Sophie Laforêt, Alexandra et Pierre-Philippe jusqu'à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'était la pièce « Comme une étoile dans l'océan » d'un futur EP de la formation Vanesse Pariétaire. Donc, ils sont toujours en studio, Alexandra et Pierre-Philippe. Bonjour. Rebonjour. Après cette écoute. Et je pense que avant de me relancer avec des questions, je vais y aller un peu avec, justement, j'ai eu la chance d'écouter ce EP-là qui est toujours pas disponible puisqu'il n'est pas sorti encore. Et donc, moi, ma petite critique tout de suite, là, c'est le fun de pouvoir faire une critique à une formation qui est devant nous. Mais je mentionnais que c'était encore cohérent dans ce qu'on a entendu de « Sur la mer était vide ». Donc, on vous reconnaît, vous n'avez pas pris une autre tangente complètement différente. Mais je disais que chacune des pièces est plus centrée dans un style. C'est-à-dire que sur le premier album, parfois, on pouvait dire « Oui, Vanessa Perriotta a des influences électro, folk ou plus piano ambiant. » Parce que vous jouez avec vraiment plusieurs ambiances. Donc, moi, ce que j'ai trouvé de ce EP-là, c'est que je pouvais dire, exemple, la pièce qu'on va entendre tout à l'heure, qui est Métamnèse, je trouvais qu'elle était vraiment plus électro. Donc, j'étais capable de dire que cette pièce-là cadre mieux là-dedans. Puis la pièce qu'on vient d'entendre avec l'introduction, qui est plus douce au piano, avec, en fait, là, on évolue vers le rock, puis là, on revient à la fin avec les mêmes notes au piano. Alors, on voit que rien est laissé au hasard. Moi, ça me plaît bien, ça, un peu, là, comment je pourrais dire? Ça se cadre bien. Je pense pas que c'est la meilleure chose que je peux dire pour décrire. C'est dur des fois de décrire comme ça de la musique qu'on écoute depuis seulement une journée. Mais c'est ça vraiment qui est ressorti de mes premières écoutes parce que ça m'a accompagné pas mal toute la journée aujourd'hui. Ben, tant mieux. Mais en fait, c'est probablement une coïncidence. Il n'y a pas vraiment de master plan en arrière de ça. On est vraiment juste composé avec. L'idée de départ, c'était peut-être d'être un petit peu plus pop. C'est faire des chansons qui n'avaient pas de temps mort, puis aussi de faire un EP, un EP, c'était de faire quelque chose de court, qui n'avait peut-être pas d'interlude, puis qui n'allait pas dans toutes les directions, puis de rester pop puis accrocheur, c'était ça un peu le but. Parce qu'étant un EP, tu peux pas te permettre non plus d'être trop évasif. D'aller dans toutes les directions. Puis, fait que j'imagine que aussi de cette volonté-là d'être concis, mais ça a donné justement ce que tu dis, que toutes les pièces ont vraiment comme leur identité. Oui, en tout cas, c'est ce que ça m'a. Ouais. C'est ce que j'en ai conclu, du moins. Mais c'est ça, c'était probablement pas voulu, ça a juste à donner de même. Mais en tout cas, même si c'était pas voulu, c'est réussi. C'est réussi. Je veux dire, j'aimais autant le côté évasif de La mer était vide, avec ce côté-là qui est peut-être plus consolidé. Ouais. En fait, je sais que vous avez participé au Francouverte, je pense que c'est à la 13e édition l'année dernière. Ouais. Je me demandais comment, si oui ou sinon, et comment de participer à un concours comme ça, qui est en fait le titre exact, là, je vais le lire, parce que je sais que c'est un concours de musique alternative. J'ai noté ça en quelque part. Francouverte, concours de l'alternative musicale francophone, donc c'est le terme précis. Donc comment ça vous aide de participer à un concours comme ça? Ben, c'est sûr que... T'sais, ça donne beaucoup de visibilité. Ils en ont parlé dans les journaux, ça a été sur Internet, puis tout. Il y a plein de monde qui nous ont découvert à cause de ça. L'après-coup, ça n'a pas donné grand-chose, honnêtement. Il n'y a pas eu de retombées, il n'y a pas eu d'offres spéciales. Ça n'a pas donné quoi que ce soit de concret. Mais c'est sûr que l'expérience de show, c'était cool de jouer dans une grosse salle. C'était notre deuxième ou troisième show. Puis déjà, il y avait une salle de 400 personnes devant nous autres. C'est sûr qu'on a. C'était notre quatrième show, fait que c'était pas le meilleur show de tous les temps. C'était pas le gros char. Non, mais. Fait que. Moi, je pense qu'on est resté un petit peu ambigu sur notre participation au Francouverte. Mais j'imagine que pour tous les groupes, c'est différent. Il y en a qui ont eu une excellente expérience, mais nous, ça a comme. Ça, oui, ce concours-là a une grande visibilité, puis il est quand même important, il est renommé, on s'entend, là, tout le monde. Beaucoup de gens connaissent les Francouvertes, mais ça, pour nous, ça nous a... De la manière qu'on regarde ça... Donc, ça vous a pas nécessairement aidé ni nui. Ben, en fait, c'est sûr que ça vous a pas nui. Ça peut pas vous nuire. Non. Mais votre travail indépendant, là, comme vous avez mentionné tantôt. Puis justement, par rapport à ça, on en parlait tantôt durant la pièce... moi, je fais pas de musique, j'ai pas nécessairement d'amis proches qui s'investissent dans un groupe comme vous le faites. C'est quoi la gestion du temps? Je veux dire, moi, la question que je me pose, c'est justement, tantôt vous disiez, ça fait un an et demi qu'on est ensemble, là, il y a un premier album à faire gratuitement, un EP qui est fait, le livret, toute la thématique entourant La mer était vide. C'est quoi la gestion du temps? Est-ce que vous faites ça à temps plein? Puis c'est quoi le temps que vous investissez dans ce projet-là? Ça serait le fun de pouvoir faire ça à temps plein. J'imagine. Mais on peut pas. Non. En fait, on est tous étudiants, sauf un. Louis, le drummer. Mais il faut dire que pour faire La mer était vide, moi, j'ai pris une année sabbatique au complet. Ce qui veut pas dire qu'à chaque album, il faudrait que je prenne une année sabbatique. Là, mais quand j'ai fini mon deck, j'avais l'intention de prendre une année off pour me concentrer là-dessus. Puis je m'étais fixé des objectifs, tu sais, que si au bout d'un an, il ne s'était rien passé, tu sais, que ça donnerait peut-être rien. Puis finalement, ben, y a plein de choses qui se sont passées. Fait que ben, je suis quand même retourné aux études, là, parce que tu sais, faut, à un moment donné, il faut que tu fasses de quoi aussi. Là. Puis, mais là, présentement, la gestion du temps, tu sais, on pratique une fois par semaine. Tu sais, on est tous à Montréal, sauf le batteur, qui lui est encore dans le bout de Sorel, puis on va pratiquer chez lui. Fait qu'on descend les trois pratiquer là-bas, puis on essaie de gérer le temps de tout le monde. Pour les shows aussi, c'est compliqué. Là, lui, le batteur, il travaille à temps plein de nuit. Fait que ça, c'est compliqué. Pour les pratiques et pour... pour les pratiques et pour les shows. Ouais. Puis nous autres, ben, on est tous aux études à temps plein. Kevin, le bassiste, il est en théâtre. On sait que le théâtre est exigeant. Ouais, en plus de la musique. Oui, c'est ça. C'est, fait qu'il y a tout le temps des productions, puis il est tout le temps occupé dans, en répète. Fait que c'est sûr que c'est compliqué, mais on y arrive. Ouais. Quand on est motivé, ça marche. En tout cas, chose certaine, ça a été fructueux cette année sabbatique-là, du moins pour Pierre-Philippe, mais pour les autres membres du groupe aussi, parce que, bon... Vous êtes un groupe, tu n'es pas un projet solo non plus. Ben en fait, j'imagine qu'encore plusieurs projets sont à venir, plusieurs nouvelles. Donc, on va vous suivre. On va continuer de parler de vous, du moins ici, à C'est fou. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été en studio. Vraiment, le temps accordé, j'apprécie. Merci beaucoup de nous avoir invités. Donc, en terminant, peut-être mentionner les dates de spectacle. Là, je ne les sais pas par cœur. Je sais qu'il y en a une au Île Motard, à l'Escogriffe. Oui, c'est 9 novembre, ce vendredi, à l'Escogriffe, à Montréal. 9 octobre. Oui, 9 octobre, excusez. À Montréal. Ensuite, le 17 octobre à Montréal, le 9 novembre à Montréal. Puis c'est tout pour tout de suite. Pour l'instant. Ouais, donc, on peut consulter votre profil MySpace. www.myspace.com/VanessePariétaire. Ouais. Oui. Puis aussi, je voulais rajouter qu'on va sûrement avoir un show à Sorel bientôt. C'est peut-être... Pour le monde de Trois-Rivières, c'est plus près que Montréal. Sorel, ville du rock. Oui, ça. Blaise. On va se déplacer. Donc, encore une fois, merci. On va se quitter avec, encore une fois, une pièce de votre EP à paraître. La pièce qu'on va entendre s'appelle « Métamnèse ». Vous êtes à l'émission « Chérie, m'écoute-tu » jusqu'à 19h en compagnie de Sophie Laforêt. Comme si j'étais invisible. La tempête. sisters conspire to hang us from wire. Keep swinging higher. Garbage bag trees. You're grilling. hold me, like you told me, now and then, every now and then, every then and down. Not talking about holiday, pretend my feet are running away. Well, if my feet don't touch the ground, well, heart sick, bad lip, falling, falling, like you're out of it. Alors, sur ces cris, c'était la formation, en fait, plutôt la pièce Heads Up de Carino and the Kids. Donc, vous aurez peut-être reconnu la chanteuse de la formation new-yorkaise, les Yeah Yeah Yeahs. Donc, Carino qui s'est chargée de la trame sonore du film Where the Wild Things Are. Donc, c'est assez dur à dire. Where the Wild Things Are. OK, c'est mieux de même. Donc, c'est la trame sonore du prochain film de Spike Jonze qui sera à l'affiche vendredi le 16 octobre prochain. Donc, la version française sera du nom de Max et les Maxi-Monstres. Je préfère vraiment la version originale anglaise et je vous encourage à aller voir le film dans sa version originale. Tout juste avant, c'était la formation Volcano Chore, qui est le projet parallèle de Justin Vernon, qui est en fait l'homme qui se cache derrière Bon Iver. Donc, la pièce qu'on a entendue, c'est Islands de l'album On Map, qui est paru le 22 septembre dernier. Et je vous dirais que c'est... en fait, un projet qui est peut-être moins accessible que Bon Iver, qui faisait dans le folk tranquille, mais c'est quand même un projet à découvrir. Donc, ça reste un peu, bon, c'est la voix de Justin Vernon, évidemment, mais il y a des arrangements beaucoup plus chargés, beaucoup plus électro. Donc, on va dans des avenues beaucoup moins évidentes qu'avec Bon Iver. Et tout juste avant, on avait la formation de Toronto, Octoberman, avec la pièce Trapped in the New Scene de leur troisième album Fortresses, paru il y a quelques semaines. Formation à découvrir, donc, avec leur troisième album qui est paru au mois de septembre. Donc, sans plus tarder, on va retourner en musique, encore une fois, dans la langue anglaise. Du côté anglophone, tout de suite avec la formation de National Parks. Vous êtes à l'émission Chérimi Coutu jusqu'à 19h sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Hook me up onto the power line, cause I got watts to spare, I'm gonna light the lantern, come on. Hook me up onto the power line, cause I got watts to spare, I'm gonna light the lantern, come on. Hook me up. Hold on, don't let your low cash flow make you go wrong. My mama bring me like a nut, so when the light is struck, I gotta bring the power to your life before long. My circuits know I'm the electrician. I leave my breakers in the opposition. Come out the dryer full of static devices, charges on the boost, the cables take me on a mission. Hook me up onto the power lines. I got watts to spare. I'm gonna light the lantern. Come on, hook me up onto the power lines. I got watts to spare. I'm gonna side. Driving into town, I take to looking around, and then I notice how all the kids are waiting to hear a sound. I asked the dude whose PA that was connected to the ground. I crank the genie up, and then the music begins to bound. Hook me up onto the power lines. I got watts to spare. I'm gonna light the lantern. Speakers 2,000 watts slide into the electron dance. I shock the room with glow in the dark pants. My arms dangling all the wires from the sockets. People in the place getting charged like rockets. From the electric boogaloo to the quick step jet, I ride the light into your radio set. Hook me up onto the power lines. I got watts to spare. I'm gonna light the lantern. Come on, hook me up onto the power lines. I got watts to spare. And call the lightning ball to give me a ride. I got a current to deliver that I'm gonna provide. I put the genie on the truck and journey to the west side. Driving into town, I take to looking around, and then I notice how all the kids are waiting to hear a sound. I ask the dude whose PA that was there connected to ground. I crank the genie up, and then the music begins to pound. C'était la pièce Switched On de la formation Highlands de leur troisième album Vapors, paru le 15 septembre dernier, qui est une formation indie rock de Montréal, active depuis 2005. Tout juste avant, on avait la formation, toujours de Montréal, de National Parks, avec la pièce Powerline de leur album Timber Vision. Et c'est une formation électro montréalaise au bruitage plutôt particulier, comme vous avez pu l'entendre sur cette pièce. Et donc, l'émission va se terminer dans quelques minutes. Je vous invite à rester à l'écoute de C'est fou pour la prochaine émission qui est le Voyage insolite en compagnie de Frédéric Durand jusqu'à 20h. Et je vous invite également à consulter le www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir accès aux balado-diffusion d'émissions antérieures et celle de ce soir qui sera mise en onde bientôt, ainsi que la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir et plusieurs autres informations telles que critiques de spectacles, d'albums et autres. Donc, c'est ce qui est pour cette petite invitation. Donc, avant de se laisser, on va retourner en musique avec une dernière pièce, soit une pièce de Mickey 3D de leur plus récent album, La Grande Évasion, qui est leur cinquième album paru le 22 septembre dernier. La pièce qu'on va entendre s'intitule « Je m'appelle Joseph ». Donc, c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de soirée sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Je me dis que c'est long, je me dis que c'est court, je me dis que c'est pas la première fois. Je sens le silence qui m'entoure et mon pouls qui ne faiblit pas. Je viens en ami, dit le silence, ne regarde pas plus loin que ce nouveau jour qui t'appelle et t'invite dans son jardin, chargé d'air et de lumière. Un nouveau matin m'entoure et moi, dans mes chaussures froides, on s'élance comme on peut, chacun dans son coin. Je m'appelle Joseph, mon père il est mort. Seul avec ma mère à Augusta Falls. J'habite en Géorgie, au Kifenoki. Ici tout est calme le soir, il n'y a pas un bruit. Ça peut pas être un humain qui lui a fait ça.